الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن أعظم العلوم أشرفها وأفضلها هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ألا واعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أن من أسماء الله الحسنى اسمه السلام السلام وقد ورد هذا الاسم الكريم مرة واحدة في كتاب الله الكريم فقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ومعنى اسم الله السلام أي السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله تبارك وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله تبارك وتعالى لا يقع منه شر ولا ظلم ولا فعل بغير حكمة سلام من الصاحبة والولد سلام من النظير والشريك والند والكفء والسميع سبحانه وتعالى هو السلام فكل صفة ثابتة لله عز وجل سلام من كل عيب ونقص ومن دلائل هذا الاسم العظيم أنه تعالى ذو السلام أي المسلم على عباده فهو المسلم على رسله المسلم على أنبيائه عليهم السلام لقيامهم بتمام العبودية ولقيامهم بالبلاغ المبين ولإيمانهم الراسخ عليهم السلام قال الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال الله سبحانه وتعالى سلام على نوح في العالمين وقال جل جلاله سلام على إبراهيم وقال عز من قائل سلام على موسى وهارون وهو المسلم على عباده وأوليائه هو المسلم على عباده وأوليائه الموحدين في جنات النعيم وهي دار السلام قال الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وجعل الله سبحانه وتعالى الجنة هي دار السلام لعباده الموحدين، سلام من الموت والأسقام، سلام من الأحزان والهموم والغموم، سلام من الآلام ومن كل آفة. جعل الله سبحانه وتعالى أجمعين من أهل دار السلام أيها المؤمنون. وجعل الله سبحانه وتعالى تحية أهل الإسلام سلاما، فالمسلمون يسلم بعضهم أو فالمسلم يسلم على أخيه المسلم بتحية الإسلام، إذا لقيه يقول له السلام عليكم ويرد عليه وعليكم السلام. فله عشر حسنة، وإذا زاد وعليكم السلام ورحمة الله 20، وإذا زاد فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. فرتب الله عز وجل على هذا السلام الأجور العظيمة. وختاما أيها المسلمون، جعل الله تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة، لدخول دار السلام في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وهي دار السلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، il n'y a aucun doute quant au fait que la science la plus noble soit l'étude des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus belle des sciences, la plus noble et la plus immense, et celle qui a les effets les plus bénéfiques sur le cœur du serviteur, sa foi et sa vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, sur la traduction des sens de ce verset, dit: invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Sachez mes chers frères que parmi les noms d'Allah azza wa jal, ces noms sublimes, il y a As-Salam. As-Salam est un des noms d'Allah azza wa jal qui a été mentionné une fois dans le Coran ou le Karim, à la fin de sourate Al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wallahu alladhi la ilaha illahu. C'est Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Al-Malik, le souverain. Al-Quddus, le pur. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. As-Salam est donc un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de ce nom d'Allah azza wa jal, As-Salam, c'est celui qui est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Et cela de par la perfection de son essence, de par la perfection de l'ensemble de ses noms, de par la perfection de l'ensemble de ses attributs, de par la perfection, ikhwan al-kiram, de l'ensemble de ses actions qui sont préservées de toute injustice, de manque de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est salam, il est exempt, il est éloigné, au-dessus et élevé de toute imperfection, de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin d'aide pour gérer l'univers dans son entièreté. Allah subhanahu wa ta'ala est as-salam. Et c'est ainsi dans tous ses noms et dans tous ses attributs. Par exemple, Allah azza wa jal, c'est al-hayyul qayyum. Il a donc la vie parfaite. Et dans sa vie, il y a salam. C'est-à-dire qu'il est exempt dans sa vie de mort. Il est exempt de sommeil, de somnolence, de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous pouvons dire dans l'ensemble de, pour l'ensemble de ses attributs. Et parmi ce qu'on tire de ce nom, as-salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du salam. C'est lui qui préserve ses serviteurs. C'est lui qui protège ses serviteurs. C'est lui qui éloigne ses serviteurs des défauts et de tous les maux. Il est celui qui a éloigné ses prophètes et ses messagers du mal, de par le fait qu'ils l'ont adoré à la perfection, de par le fait qu'ils ont eu la foi ferme et qu'ils ont invité à la perfection ses serviteurs à croire en lui, à le connaître, à lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé son salut, comme il nous le dit dans sourate An-Naml, sur la traduction des sens de ce verset. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, et il paie et salue sur ses serviteurs qu'il a élus. Dans sourate As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne également cela à plusieurs reprises. Paix sur Nuh dans tout l'univers. Il nous dit également cela concernant Ibrahim. Il nous dit également cela concernant Moussa et Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le salut. Il les préserve de tout mal. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre également qu'il préserve et accorde son salut à ses serviteurs pieux, à ceux qu'il a aimés et rapprochés de lui, ceux qui l'ont aimé et lui ont obéi. Il leur accorde le salut dans les jardins du paradis. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, son introduction des sens de ce verset, dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Ou plutôt, tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Leur salut, le jour où ils le rencontreront, sera le salam. Et il leur a préparé une noble récompense. Au paradis, ils auront également ce salut de la part de leur Seigneur. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, une parole d'un Seigneur miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le paradis Darus Salam. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous introduise dans cette demeure de la paix. Le paradis est Darus Salam, c'est la demeure de la paix. On l'a appelée ainsi car elle a été préservée de tout ce qui entache la paix du serviteur. Elle a été, le serviteur qui y entrera sera dans le salut et la paix totale. Il ne craindra pas la mort, ni la maladie, ni la diminution du plaisir, ni la souffrance, ni la tristesse, ni l'angoisse, ni l'anxiété, ni le moindre mal. C'est donc la demeure du salam. Allah nous dit dans le Coran, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah vous invite, Allah vous appelle à la demeure du salut, à la demeure de la paix. Et celui qui souhaite la demeure de la paix, il lui faut adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Il lui faut suivre le prophète alayhi salat wa salam et ne rien innover dans la voie du prophète alayhi salat wa salam. Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré pour nous comme salut, nous les musulmans, le salam. Ainsi le musulman qui rencontre le musulman lui dit assalamu alaykum, qu'il le connaisse ou ne le connaisse pas. Et ce dernier lui répondra wa alaykum assalam, il aura pour cela des récompenses. Et s'il ajoute et répond « Wa alaykum as-salam wa rahmatullah », il aura 20 récompenses. S'il ajoute à cela et dit « Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh », il aura 30 récompenses. Ainsi Allah Azza wa Jalla a fait de ce salam le salut des musulmans les uns envers les autres et une source d'énormes récompenses. Et pour finir, Allah Azza wa Jal a fait de ce salam qui se propage dans ce bas monde une cause pour entrer au paradis. La propagation du nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam, est une cause pour entrer dans son paradis. En effet, l'imam muslim nous rapporte que Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salat wa salam a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous indiquer une chose, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez. Répandez le salam parmi vous. Répandez le salam parmi vous. Que lorsque le croyant rencontre son frère, il lui dise « Assalamu alaikum » en concrétisant ses sens, en souhaitant pour lui le salut et la paix, en ne lui nuisant pas, en espérant pour lui le bien. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا أجمعين من الآفات والهموم والغموم والنار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منا والأموات Il y a un papa qui priait parmi nous, qui est décédé. فنسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. Et on invoque Allah Azza wa Jalla afin qu'il accorde miséricorde, endurance à sa famille. Et je conclue en vous rappelant le projet de la construction de la mosquée. Et on demande aux fidèles de dépenser afin qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'élever cette demeure sincèrement à la recherche de son noble visage. وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك